Dossier, pages 12 et 13. Les métiers de bouche, un savoir-faire artisanal. Une photo représente des mains de boucher coupant un morceau de viande. Une seconde photo représente la confrérie des tripaphages. Les fêtes de fin d'année approchent et bientôt les artisans de bouche de la ville de Château-Gontier mettront les bouchées doubles pour satisfaire vos envies. Fruits de mer, volailles, bûches, pâtissières, vos convives seront comblés. La ville de Château-Gontier-Bazouges ne compte pas moins d'une quinzaine d'artisans de bouche, dispersés sur le faubourg, le centre-ville et Bazouges. Au contact direct de la clientèle, les commerces de proximité de Château-Gontier-Bazouges sont nombreux à vous proposer des produits frais au gré de vos envies. Ils vous apportent conseils et garanties sur le choix de leurs aliments. Nos artisans de bouche ont une excellente connaissance des produits et un sens du commerce développé pour satisfaire vos besoins et vous orienter dans vos choix. Le secteur des métiers de bouche regroupe des catégories d'emplois très diversifiées autour de la fabrication et de la commercialisation des produits. Les artisans bénéficient d'un savoir-faire essentiel pour ces commerces de proximité chers aux habitants. L'ensemble de ces commerçants vous accueillent tout au long de l'année et seront à votre disposition pour vos repas de fête. Confrérie des tripaphages. C'est en 1994 que l'idée des tripaphages est née suite à une dégustation d'un plat de tripes. La confrérie sera lancée l'année suivante avec pour objectif de remettre à l'honneur les abats et en promouvoir la diversité des goûts. Le troisième samedi du mois de mars, la confrérie des tripaphages de Château-Gontier invite les autres confréries de France et d'Europe à sa cérémonie annuelle. Lors de ce cérémonial, le grand maître porte une toge verte, un col bordeaux et un liseré jaune d'or, ainsi qu'une coiffe verte et des gants blancs. Les disciples, quant à eux, revêtissent la même tenue d'apparat que le grand maître, mais la toge et la coiffe sont de couleur bordeaux. Enfin, tous portent à leur cou une médaille à l'effigie de la tête de veau entourée de deux fourchettes. Le 21 mars 2015, la confrérie des tripaphages fêtait son 20e grand chapitre. À cette occasion, 69 confréries ont été invitées pour célébrer ensemble cet anniversaire. Actuellement, 43 disciples, dont 9 membres du Grand Conseil, composent cette confrérie. Les membres de la confrérie votent pour élire les disciples qui constitueront le nouveau Grand Conseil. Puis, ces derniers nomment le Grand Maître, Bernard Tribondeau. Cette élection a lieu tous les 4 ans. Pour pouvoir devenir un disciple de la confrérie, il suffit d'aimer les abats et de les promouvoir. L'entrée au sein même de cette confrérie se déroule lors de la cérémonie de mars où le nouveau venu est intronisé. Tout au long de l'année, la confrérie effectue plus de 70 sorties vers les autres confréries, des repas dégustation, des animations dans les établissements scolaires. De plus, la confrérie des tripaphages est présente sur le rallye pédestre et le marché de Noël organisé par la ville. Lors de ces manifestations, les disciples aiment présenter leur plat de référence, les gaudes de bio. Tripes de bœuf confites dans du cidre pendant 15 à 17 heures avec des fèves, sur un lit de poireaux, d'oignons, de carottes, le tout relevé d'épices rares dont le grand maître garde le secret. Confrérie des tripaphages, grand maître Bernard Tribondeau, contact Edith Gerboin, 02 43 70 21 65. Confrérie du Veau. Fondée en 2005, la confrérie du Veau de Château-Gontier a pour but de mettre à l'honneur le veau et de le promouvoir à travers ses actions. Sous la houlette du grand maître Jacques Pinon, ses chevaliers ont pour mission d'honorer cette viande et de développer l'aspect historique et culturel de la ville et de sa région. La confrérie du Veau organise tous les troisièmes samedis de novembre son chapitre magistral annuel. Lors de cette cérémonie, tous les chevaliers se réunissent, vêtus de leur traditionnelle tunique bleu marine, rehaussée d'un galon jaune, d'une coiffe bleue, de gants blancs et de leur médaille sur laquelle on peut voir les armes de la ville et un veau. Le 21 novembre, la confrérie du veau a fêté son 10e anniversaire à l'occasion de son nouveau chapitre, célébré en compagnie de nombreuses autres confréries à la salle des fêtes. Actuellement, 20 chevaliers, dont les membres du Grand Conseil, composent la confrérie du veau. Du simple amateur aux personnes issues des métiers de bouche, tous sont les bienvenus. En effet, toute personne intéressée par le veau peut devenir un chevalier de cette confrérie. Une fois l'avis favorable du Grand Conseil, ce futur membre pourra être intronisé lors du grand chapitre annuel. La confrérie du veau organise et anime chaque année des soirées, participe à des marchés d'été et de Noël, assiste à la foire de printemps et répond également à de nombreuses invitations d'autres confréries et à diverses manifestations festives ou culturelles extérieures. Lors de ces manifestations, la confrérie souhaite proposer et faire déguster ses spécialités autour du veau sous toutes ses formes, rôtis, cuissots de 7 heures, grenadins, etc. ainsi que les paupiètes de veau commercialisées en bocaux. Confrérie du veau de Château-Gontier, président Jacques Pinon, boucherie Gautier, téléphone 02 43 07 27 48, courriel boucheriegautier@wanadoo.fr. Pour vos menus de fête, les confréries vous conseillent. Confrérie des tripes à phage. En apéritif, des verrines de tripes chaudes avec tartines grillées. En entrée, des toasts de cervelle, de joue et de museau. Et en plat principal, de la hampe ou de l'onglet. Confrérie du veau, une cassolette de riz de veau et rôti de veau farci au boudin blanc.